Livre premier, La guerre entre quatre murs. Chapitre 19, Jean Valjean se venge. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Quand Jean Valjean fut seul avec Javert, il défit la corde qui assujettissait le prisonnier par le milieu du corps et dont le nœud était sous la table. Après quoi, il lui fit signe de se lever. Javert obéit. Avec cet indéfinissable sourire où se condense la suprématie de l'autorité enchaînée. Jean Valjean prit Javert par la martingale, comme on prendrait une bête de somme par la bricole, et l'entraînant après lui, sortit du cabaret, lentement, car Javert, entravé aux jambes, ne pouvait faire que de très petits pas. Jean Valjean avait le pistolet au poing. Ils franchirent ainsi le trapèze intérieur de la barricade. Les insurgés, tout à l'attaque imminente, tournaient le dos. Marius, seul, placé de côté à l'extrémité gauche du barrage, les vit passer. Ce groupe du patient et du bourreau s'éclaira de la lueur sépulcrale qu'il avait dans l'âme. Jean Valjean fit escalader, avec quelque peine, à Javert garrotté, mais sans le lâcher un seul instant, le petit retranchement de la ruelle Mondétour. Quand ils eurent enjambé ce barrage, ils se trouvèrent seuls tous les deux dans la ruelle. Personne ne les voyait plus. Le coude des maisons les cachait aux insurgés. Les cadavres retirés de la barricade faisaient un monceau terrible à quelques pas. On distinguait dans le tas des morts une face livide, une chevelure dénouée, une main percée et un sein de femme demi-nu. C'était Éponine. Javert considéra obliquement cette morte, et profondément calme, dit à demi-voix « Il me semble que je connais cette fille-là. » Puis il se tourna vers Jean Valjean. Jean Valjean mit le pistolet sous son bras et fixa sur Javert un regard qui n'avait pas besoin de paroles pour dire « Javert, c'est moi. » Javert répondit « Prends ta revanche. » Jean Valjean tira de son gousset un couteau, il l'ouvrit. « Un surin !» s'écria Javert. « Tu as raison. Cela te convient mieux. » Jean Valjean coupa la martingale que Javert avait au cou. Puis il coupa les cordes qu'il avait au poignet. Puis se baissant, il coupa la ficelle qu'il avait au pied. Et, se redressant, il lui dit « Vous êtes libre. » Javert n'était pas facile à étonner. Cependant, tout maître qu'il était de lui, il ne put se soustraire à une commotion. Il resta béant et immobile. Jean Valjean poursuivit. « Je ne crois pas que je sorte d'ici. Pourtant, si, par hasard, j'en sortais, je demeure, sous le nom de Fauchelevent, rue de l'Homme armé, numéro 7. » Javert eut un froncement de tige qui lui entr'ouvrit un coin de la bouche. Il murmura entre ses dents. « Prends garde. »« Allez, » dit Jean Valjean. Javert reprit. « Tu as dit Fauchelevent, rue de l'Homme armé, numéro 7. » Javert répéta à demi-voix, « Numéro 7. » Il reboutonna sa redingote, remit de la roideur militaire entre ses deux épaules, fit demi-tour, croisa les bras en soutenant son menton dans une de ses mains et se mit à marcher dans la direction des Halles. Jean Valjean le suivait des yeux. Après quelques pas, Javert se retourna et cria à Jean Valjean, « Vous m'ennuyez, tuez-moi plutôt. » Javert ne s'apercevait pas lui-même qu'il ne tutoyait plus Jean Valjean. « Allez-vous-en, » dit Jean Valjean. Javert s'éloigna à pas lents. Un moment après, il tourna l'angle de la rue des Prêcheurs. Quand Javert eut disparu, Jean Valjean déchargea le pistolet en l'air. Puis il rentra dans la barricade et dit, « C'est fait. » Cependant, voici ce qui s'était passé. Marius, plus occupé du dehors que du dedans, n'avait pas jusque-là regardé attentivement l'espion garrotté au fond obscur de la salle basse. Quand il le vit au grand jour, enjambant la barricade pour aller mourir, il le reconnut. Un souvenir subit lui entra dans l'esprit. Il se rappela l'inspecteur de la rue de Pontoise et les deux pistolets qu'il lui avait remis et dont il s'était servi, lui, Marius, dans cette barricade même. Et non seulement il se rappela la figure, mais il se rappela le nom. Ce souvenir pourtant était brumeux et trouble, comme toutes ses idées. Ce ne fut pas une affirmation qu'il se fit, ce fut une question qu'il s'adressa. « Est-ce que ce n'est pas là cet inspecteur de police qui m'a dit s'appeler Javert ? » Peut-être était-il encore temps d'intervenir pour cet homme, mais il fallait d'abord savoir si c'était bien ce Javert. Marius interpella Enjolras qui venait de se placer à l'autre bout de la barricade. « Enjolras ? Quoi ? Comment s'appelle cet homme-là ? Qui ? L'agent de police. Sais-tu son nom ? Sans doute. Il nous l'a dit. Comment s'appelle-t-il ? Javert. » Marius se dressa. En ce moment, on entendit le coup de pistolet. Jean Valjean reparut et cria « C'est fait !» Un froid sombre traversa le cœur de Marius. Fin du chapitre 19 du livre premier.